J'arrive avec un air sombre, un visage qui t'effraie vite. C'est si magie, c'est air qui fait part de ses impressions. J'ai plein de questions du style qui tient les rênes, cousse, qui vient m'aider à plaider pour la justice. Ce monde est corrompu, man, voilà ce que j'en dis. Les billets sales se comptent plus, ça même chez le nantis. L'argent prend trop de place dans le système, c'est ce qui me freine. T'arrives à rien sans lui, tant pis, je m'en fiche, je fais ce qui me plaît. Mais quand je fais face à la réalité, j'ai peu d'espoir, c'est ma bête noire. Triste fatalité, les rappeurs se prostituent pour devenir de grosses figures. Moi je continue, signe de banalité. Je vois qu'on n'est pas les seuls à vouloir relever la barre. J'ai l'impression que c'est l'heure de réveiller le rap. 2012 s'incline et une trop belle fin de saison. Lâche-moi la blague syndic, j'ai pas de mauvaise impression. Ouais, j'ai l'impression que le monde change. Que le monde change. Ouais, j'ai l'impression que l'on dérange. Que l'on dérange. On se time comme des cons. Ça j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. D'être en dépression, mais au fond c'est juste une impression. Des fois j'ai l'impression qu'on sera connu un jour. On fait tout pour de façon, on veut faire que du lourd. Je rêve de lingots d'or et de paquets de bifetons. J'en verrai pas le sommeur, ça j'en ai l'impression. J'ai fait des erreurs, ça c'est une certitude. Comme d'être un glandeur et stopper les études. Mais je suis qu'un pet chômeur, légèrement abattu. Avec des sautes d'humeur, ouais, quand j'ai pas mes fûts, j'ai l'impression, ouais, cette impression de déjà vu. Zéro bifton, zéro pointé au compte à vie, je veux du pognon. Et être sapé en marque de luxe, ouais, petit con. Ne pas briller, ouais, j'en peux plus, ça fait brah. Dans ma tête, quand j'ai trop bu, lever les bras. Et c'est l'impression que t'as déjà vécu, élève ton ouinge. Si sous la seconde t'es capricieux, balance un ins. Vu qu'au fond t'en as quand même. Ouais, j'ai l'impression que le monde change. Que le monde change. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que l'on dérange. Que l'on dérange. On se time comme des cons. Ça j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. D'être en dépression, mais au fond c'est juste une impression. À part moi et les aiguilles du temps, frère, ce monde ne tourne pas rond, c'est clair. J'ai pris goût à l'ombre et je m'épuise sûrement. À ne pas voir mes rêves détruits, tu t'en doutes. Façon, j'affronterai mes vices, même si je souffre à fond. J'existe et fake, réciter des textes en vrai, je déprime, c'est bête. J'aurais dû réviser mes tests d'anglais pour éviter l'échec. Quand la matière s'accumule, autant que la verdure sur mes feuilles de courge, gambe. Car y'a peu d'issue pour échapper au système déçu. De voir que nos futurs reposent dessus. J'encaisse. Me roule un cône de plus, j'te jure. J'figerai ma haine en quelques coups de pinceau. Comme les peintures d'Achim. Quand sur l'instru j'm'applique, j'm'exprime. Car y'a plus d'un truc à dire, même si j'ai plus de 20 raisons pour pas garder la forme dans le fond. J'espère que tout ça n'est qu'une impression. Ouais, j'ai l'impression que le monde change. Que le monde change. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que l'on dérange. Que l'on dérange. On se time comme des cons. Ça j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'être en dépression. Mais au fond c'est juste une impression.